بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، aujourd'hui le jeudi 7 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 30 avril 2020, je suis ravi de vous retrouver, mes très chers frères et sœurs, afin de poursuivre ensemble notre lecture dans la biographie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, à partir du livre de l'imam Ismaïl ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi, le grand imam salafi qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Donc, mes frères, par rapport à la première partie de la biographie qui traite la période mécoise, c'est une partie extrêmement importante dans l'étude de la biographie. C'est pour ça, je vous recommande de rester attentif et vigilant par rapport à tous les événements qui seront cités dans cette partie. Car c'est la partie dans laquelle les fondements de l'islam ont été faits. Et c'est la période également dans laquelle les compagnons, radiyallahu anhum, ont subi, torturé et autres, comme on l'a vu. Donc le dernier point duquel on a parlé de les deux émigrations vers l'Habasha, vers l'Éthiopie, chez ce roi qui s'appelle Ashama al-Najashi, son titre le Négus al-Najashi, qui a protégé les musulmans et qui leur a permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sereinement, sans tout ce qu'ils subissaient de la part de Quraysh. Et on a vu que Kuffar Quraysh avait plusieurs méthodes pour faire pression sur les musulmans et surtout les démunis parmi eux, les esclaves et les servantes. Et malgré tout ça, ils ont tous patienté. Et personne n'a délaissé sa religion à cause de ces tortures. C'est ce qui a été dit par Abu Sufyan quand il a été interrogé par Héraqle, quand Nabi alayhi salatu wassalam lui a adressé ce courrier dans lequel il l'appelle à l'islam et à se sauver lui ainsi que son peuple du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en entrant dans l'islam. Héraqle a posé une question à Abu Sufyan. Il lui a dit, quand quelqu'un parmi ses suiveurs, c'est-à-dire les suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam, entrait dans l'islam, est-ce qu'il sortait ensuite, il le délaissait par la suite? Il a dit non. Et Héraqle a commenté en disant, c'est ainsi la saveur de la foi et la douceur de la foi. Quand elle est mélangée au cœur, elle ne sort plus jamais. Donc, les méthodes qui étaient utilisées par Kuffar Quraysh étaient nombreuses et multiples et variées selon le statut de celui qu'il torturait et selon d'autres paramètres. Et ils ont tout essayé. Ils ont essayé la torture physique. Ils ont essayé la pression psychologique et morale Ils ont essayé de répandre les mensonges au sujet du prophète alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons, radiallahu anhum. Mais quand ils ont vu que toutes ces méthodes n'ont pas donné leurs fruits, et les musulmans ne font que s'accrocher davantage à leur religion, et leur nombre ne fait qu'augmenter, la Quraysh ont décidé de prendre des mesures beaucoup plus fortes. Et c'est là où ils ont décidé de couper tous les liens avec les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib. Donc je disais, quand ils ont vu que l'islam se propage, et surtout après l'entrée de Umar et de Hamza radiallahu anhuma dans l'islam, et que les musulmans se sont renforcés, là ils ont compris le grand danger de laisser les musulmans tels qu'ils étaient. Ils ont décidé de pratiquer ce boycottage qu'on va voir aujourd'hui, bi'idnillah. Donc par rapport à Hamza radiallahu anhu, Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et son frère d'allaitement, un jour, il a été rapporté qu'un jour, une esclave appartenant à Abdullah ibn Jud'an l'a informé que Abu Jahl, Amr ibn Hisham, que le Nabi a appelé Abu Jahl, a fait du mal au prophète alayhi salatu wassalam, à son neveu, le prophète alayhi salatu wassalam, et son frère d'allaitement, et qu'il l'a insulté et qu'il lui a fait beaucoup de mal, et qu'il l'avait humilié devant les Arabes. Et quand il a entendu ça, Hamza radiallahu anhu est parti directement vers l'assise dans laquelle se trouvait Abu Jahl, en plein milieu des têtes de Kuffar de Quraysh, et il lui a dit, t'as fait ça et ça à mon neveu, alors que je suis sur la même religion que lui. Il avait un arc dans la main avec lequel il l'a frappé, il l'a blessé et il l'a humilié. Et c'était ça le début de l'islam de Hamza radiallahu anhu. C'était ça le début de son islam. Et il est entré effectivement dans l'islam dans l'année 6 de la prophétie. L'année 6 de la prophétie. Yani l'année 6 ans après que le prophète alayhi salam soit devenu prophète. Et il est entré, ceci s'est fait dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. La maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, c'est la maison d'un compagnon qui était jeune, un des premiers dans l'islam. Et Nabi alayhi salatu wassalam préférait se protéger et protéger ses compagnons quand il leur transmettait la révélation. Et c'est pour ça qu'il a décidé, vers l'année 5 de la prophétie, de prendre la maison de ce compagnon comme lieu de rassemblement avec ses compagnons. Et ça, c'est pendant yani, que la da'wa était encore secrète. Comme on a vu que la da'wa est passée par plusieurs phases. Da'wa secrète, da'wa publique et ouverte, sans combat, da'wa publique en combattant ceux qui commencent le combat, et la dernière phase, c'est dans laquelle Allah Azza wa Jal a légiféré le combat de tous ceux qui s'opposent à la propagation de la vérité. Donc, Nabi Isa salam a pris cette maison qui se trouvait pas loin de Safa. Et ça peut étonner. La localisation de cette maison est son lieu peut étonner. Parce que Safa, comme vous savez, à côté de la Kaaba, pas loin de la Kaaba, c'est un endroit qui était très fréquenté. Mais justement, c'est pour cette raison que le Nabi alayhi salatu wassalam a choisi la maison de ce compagnon, déjà parce qu'il n'était pas parmi les grands compagnons que les gens vont accuser, vont penser qu'ils se rassemblaient chez lui, tel que Abu Bakr. Ils vont pas soupçonner qu'ils se rassemblent chez un jeune parmi les compagnons. Il est entré dans l'islam, il devait avoir pas plus de 18 ans, radiallahu anhu. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Et cette maison, également, elle se trouvait dans un endroit dans lequel il y avait beaucoup de fréquentation et beaucoup de monde, de passage, tout ça. Donc, ceux qui viennent voir le prophète alayhi salam alayhi dans cette maison, les gens ne vont pas les remarquer. Contrairement à si c'était une maison isolée. Et c'est dans cette maison que Hamza radiallahu anhu est venu. Il a annoncé son islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'année 6 de la prophétie. Par rapport à Omar radiallahu anhu, son entrée dans l'islam, c'est l'exaucement d'une invocation qu'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ceci est rapporté avec une bonne chaîne de transmission, il a dit Allahumma a'izz al-islam bi ahab hadhayn ar-rajulayn ilayk bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de faire triompher sa religion avec le plus aimé à lui parmi ces deux hommes, Abu Jahl et Omar ibn al-Khattab. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Omar ibn al-Khattab et n'a pas guidé Abu Jahl qui est mort dans la mécréance. Il a été tué par les croyants dans la bataille de Badr. Et depuis l'entrée dans l'islam de Hamza et de Omar, ce que subissaient les croyants de la part des kuffars de Quraysh a beaucoup diminué. Comme ils l'ont dit beaucoup, ils l'ont exprimé beaucoup parmi les compagnons, tels que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il a dit, مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ ibn al-Khattab. Rapporté par l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, on est devenu fort et puissant depuis l'entrée de Omar dans l'islam. Depuis l'entrée de Omar, radiallahu anhu, dans l'islam. Il les a renforcés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Nabi alayhi sallam a invoqué Allah. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont rapporté qu'avant son entrée dans l'islam, personne n'osait prier à côté de la Kaaba. Excepté le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, certains compagnons. Mais de manière générale, il n'osait pas faire cela. Car il se faisait frapper, et insulter, et humilier, jusqu'à l'entrée de Omar dans l'islam. Et il priait à côté de la Kaaba, devant tout le monde. Comme ceci a été rapporté, il priait devant tout le monde, et des fois il venait. Il se tabassait avec lui, Kuffar Quraysh. Et il les repousse, jusqu'à ce qu'il le laisse prier. Et quand il commence à prier, d'autres sahaba viennent se joindre à lui et prier également à côté de la Kaaba. Et quand Omar radiallahu anhu est entré dans l'islam, il a dit, dites-moi, qui est l'homme qui répond le plus vite et le plus rapidement les nouvelles ici à Quraysh, yani à Mecca. Ils ont dit Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Yani cet homme, dès qu'il entend une chose, ça se propage partout à Mecca, en très peu de temps. Et Omar est allé le voir, radiallahu anhu, il lui a dit, je suis devenu musulman. Et il est rapporté dans certaines versions que, comme quoi il lui a dit, il ne dit ça à personne. Et bien évidemment, c'est ça qui va faire que cet homme va propager encore plus vite. Yani, malheureusement, yani, ça c'est un homme qui était connu par cette chose-là. Mais de nos jours, on trouve certains parmi nos frères et sœurs, quand tu lui dis que ça c'est un secret, c'est comme si tu l'as invité à le propager. Alors que tout ce qui se passe entre toi et ton frère, il ne doit le propager que quand il demande ta permission. Parce que c'est pas tout ce qui se dit à une personne, se dit à toutes les personnes. Et il peut y avoir d'autres raisons. En tout cas, si tu souhaites propager une chose de ton frère ou de ta sœur, demande-lui sa permission. Et donc cet homme, il a propagé l'islam de Omar. Et quand il disait qu'il est devenu musulman, qu'est-ce qu'il disait? Comme ils avaient l'habitude de dire, il disait « Ala inna Omara saba ». Yani, comme si, je vous ai dit précédemment, comme s'il a apostasié. C'est-à-dire, Omar a délaissé la religion de ses ancêtres. Et Omar était derrière lui, il dit « Non, il a menti, je suis devenu musulman, soumis à Allah ». Moi, j'aime pas dire musulman. Musulman, parce que musulman n'a aucun sens. Et les mots en arabe, ils ont un sens. Quand tu dis musulman, tu dis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-islam, huwa al-istislam lillahi bit-tawhid wa lil-qiyad lahu bit-ta'a wal-bara'a min ash-shirk wa ahlihi. L'islam, c'est la soumission à Allah. Avec l'unicité, et lui obéir, et se désavouer des polythéistes et du polythéisme. C'est ça l'islam. Mais quand tu dis musulman, Allahu a'lam, qu'est-ce que ça veut dire? Et les Français en particulier, cette particularité de tout falsifier et d'altérer les sens. Et des fois, il peut y avoir des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils veulent dire Muhammad, ils disent Mahomet. Comme Kuffar Quraysh disait Mudammam. Il ne disait pas Muhammad, il disait Mudammam. Il disait pas loué, il disait blâmé. Et ça, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Ainsi, quand ils insultent, ils n'insultent pas Muhammad, ils insultent Mudammam. Et de la même manière, ces kuffars, quand ils insultent Mahomet. Ils n'insultent pas Muhammad, walhamdulillah. Et Omar, radiallahu anhu, quand cet homme qui s'appelle Jamil, a propagé la nouvelle de son entrée dans l'islam, Kuffar Quraysh sont venus une fois, ils se sont tabassés avec lui. Et ils se sont réunis autour de lui et ils l'ont tellement frappé qu'ils ont failli le tuer. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé par un homme qui s'appelle Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, le père des deux compagnons, des deux grands compagnons, Amr ibn Al-As et Hisham ibn Al-As. Et ils disent que c'est au sujet de cet homme, les Mufassirin disent, c'est au sujet de Al-As ibn Wa'il qu'a été révélé Sourate Al-Kawthar. Car cet homme, il dénigrait le prophète alayhi salatu wassalam. Il disait de lui qu'il n'avait pas de descendance et qu'il était abtar, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de descendance. Allah Azza wa Jalla a révélé Sourate Al-Kawthar, dans laquelle il a dit inna shani'aka huwa al-abtar, ton ennemi c'est lui qui n'a pas de descendance et qui sera coupé. Par rapport à l'islam de Omar radiallahu anhu, Il y a deux histoires qui sont très très connues par rapport à comment ça s'est déroulé sans l'islam. Mais les deux histoires n'ont pas été rapportées avec une chaîne de transmission authentique. Les deux histoires n'ont pas été rapportées avec une chaîne de transmission authentique. Je vais vous les citer quand même. Yani, là, c'est des histoires qui sont très très connues et tout le monde les rapporte. Tous ceux qui parlent de Sira, à commencer par Ibn Ishaq et en passant par les autres savants qui ont écrit dans la Sira, ils ont cité ces deux histoires par rapport à l'islam de Omar. La première histoire, c'est que Omar radiallahu anhu, un jour, il était sur sa route pour aller tuer le prophète alayhi salatu wassalam et débarrasser les gens de son mal, soi-disant. Parce que pour eux, il a divisé les familles. Une partie qui le suit, l'autre qui ne le suit pas, et ça crée une scission et une division dans la famille. Donc il s'est dit un jour, je vais débarrasser les gens de cet homme et je vais le tuer. Et sur sa route, il a croisé un homme, qui l'a interrogé, il lui a dit, tu vas où? Il a dit, pour tuer Mohammed et débarrasser les gens de lui. Il lui a dit, et tu ne sais pas que ta sœur et son mari sont sur sa religion également? Wallahu a'lam, dans cette histoire, la sagesse, est-ce qu'il lui a dit ça juste comme ça? Parce que l'homme était étonné que Omar veuille faire du mal au prophète pour la religion de l'islam, et que il ignore que sa sœur et son mari soient sur la religion de l'islam également. Ou bien c'est quelqu'un qui a voulu le repousser du prophète alayhi sallam et commettre le moindre mal. Il l'a orienté vers sa sœur. Et effectivement, quand il a entendu ça, il était surpris et il est parti voir sa sœur, qui s'appelle Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar. Et son mari, c'est Saïd ibn Zayd, radiallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis. Il est parti la voir chez elle, et il a trouvé chez eux un autre compagnon qui s'appelle Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu, un des grands compagnons, et un des compagnons qui ont été torturés le plus dans l'islam. Au point que, quand les choses sont revenues aux musulmans, et quand c'est l'islam qui a dominé, quand il était assis avec certains de ses compagnons, Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu, des fois il leur montrait son dos. Il leur montrait son dos pour voir ce qu'il avait subi de la part des kuffars de Quraysh. Pour leur faire voir ce qu'il avait subi de la part des kuffars de Quraysh. Et il voyait des choses telles que Omar radiallahu anhu, il voyait des choses dans son dos qu'il pouvait pas continuer à regarder. Plein de trous dans le dos. Et beaucoup de séquelles de torture. C'est ce qu'il avait subi Khabbab ibn al-Arat. Et Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu, c'est lui qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah, qu'il me soulage de ces tortures et de ces châtiments qui nous font subir. Et Nabi alayhi salatu wassalam, et ça c'est dans le début de l'islam, Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, patientez. Je rapporte le hadith avec le sens. Il lui a dit de patienter, car ceux d'avant vous, ils étaient coupés en deux avec des lames, et ils retiraient leur peau de leur corps, et ils leur faisaient subir beaucoup plus de torture que ce que vous subissez, et ils ne revenaient pas sur leur religion. Ils n'abandonnaient pas leur religion pour autant, ils patientaient. Alors patientez, et l'issue est proche, est proche. Et l'issue est proche. Ce que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont subi. Et il y a une règle que je vous rappelle ici, mes frères, tirée d'un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, Il faut savoir que l'homme est éprouvé selon son niveau de foi. Plus sa foi est grande, plus Allah lui augmente l'épreuve. Donc, Sahaba, leur niveau de foi est extrêmement élevé par rapport à ceux qui sont venus après eux. Et on a vu que Abu Bakr, lui seul, sa foi dans un côté de la balance est plus lourde que la foi de toute la Ummah jusqu'à la fin des temps. Un seul homme, subhanallah, Allah, à chaque fois je me rappelle ce hadith, c'est étonnant, à chaque fois. Un seul homme, sa foi, est plus lourde dans la balance que toute la Ummah jusqu'à la fin des temps. Y compris Omar et Uthman et Ali, radiallahu anhum tous. Et donc, selon cette règle qui est tirée de ce hadith, il faut savoir que les sahaba ont suivi des choses que nous on ne peut pas subir. Et si jamais Allah il nous met à l'épreuve comme ils étaient nés à l'épreuve, on ne supportera pas. Et ça c'est ce qui a été dit par Hudayfa radiallahu anhu, un tabi'i qui a exprimé son souhait de vivre à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ne souhaite pas ça, akhi, car yani, il lui a cité certaines de leurs épreuves, telles que l'épreuve qu'ils ont subie pendant la bataille des tranchées, quand le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, qui va me chercher les informations des gens, yani de leurs ennemis, les coalisés. Et il sera avec moi comme ces deux-là, comme ces deux doigts. Et Hudhayfa radiallahu anhu a dit, personne n'a bougé de sa place, alors qu'il y avait Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Il l'a répété trois fois, et jusqu'à ce qu'il a désigné Hudhayfa radiallahu anhu, il l'a envoyé dans cette mission. Donc, sahaba radiallahu anhum, ils ont subi des choses que nous ne pouvons pas subir, des épreuves comme les montagnes. Et quand tu lis dans Surah Al-Ahzab, tu vois des choses de ces épreuves qu'Allah a décrites. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a décrites, ces épreuves. وَزُلْزِلَ الْمُؤْمِنُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc, Omar radiallahu anhu est parti voir sa sœur et il l'a interrogé au sujet de l'islam. Et quand il a su qu'elle est muslima ainsi que son mari dans cette histoire, il l'a frappé. Il a frappé sa sœur. Et ensuite, il avait vu chez eux des versets de Surah Taha. Il a demandé à lire ce qui est écrit. Et sa sœur a refusé, elle lui a dit, jusqu'à ce que tu te laves. Et une fois qu'il s'est lavé, elle lui a passé, yani, ses versets, et il a lu ses versets de Surah Taha, et dans cette histoire, c'est comme ça qu'il est entré dans l'islam. Et il est parti à informer le prophète alayhi salatu wassalam de son islam. La deuxième histoire, c'est que Omar voulait tuer le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il est parti directement dans la maison de l'Arqam, Ibn Abi al-Arqam, quand il a su qu'il se réunissait là-bas. Il est parti pour le tuer. Et arrivé, il a frappé sur la porte et il a demandé à ce qu'on lui ouvre la porte. Et quand les sahaba ont entendu la voix de Omar, dans cette histoire, il est rapporté que personne n'a osé se lever et ouvrir la porte, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam est parti lui-même lui ouvrir la porte. Et dès qu'il a ouvert la porte, il l'a pris par ses vêtements. Et il l'a soulevé, il l'a secoué fortement. Et il lui a dit, n'est-il pas le temps que t'entres dans l'islam au fils de l'Khattab? Et il est rapporté dans cette histoire que Omar, il a annoncé son islam à ce moment-là. Wallahu a'lam de comment ça s'est passé son entrée dans l'islam, mais ce qui est sûr, c'est que cet homme, depuis qu'il est devenu musulman, il a changé la donnée. Yani, entre les musulmans et les kuffars. Lui, ainsi que Hamza. Et kuffar Quraysh, depuis leur entrée dans l'islam, à ces deux hommes, Hamza et Omar, ils ont su que les méthodes qu'ils employaient avant ne servent à plus rien. C'est pour ça qu'ils ont eu recours à une autre méthode, beaucoup plus forte. C'est le boycottage. Et l'histoire de ce boycottage, c'est que Kuffar Quraysh ont décidé de tuer le prophète alayhi salatu wassalam, directement. Ils ont décidé de le tuer, comme ça, directement. Comme ça, ils vont se débarrasser de lui à jamais. Et quand la famille du prophète alayhi salatu wassalam, les Banu Hashim, ont entendu, j'ai dit la famille du prophète alayhi salatu wassalam, Banu Abdul Muttalib. Car Abdul Muttalib, c'est le fils de Hashim. Quand on parle des Banu Hashim, ça englobe yani les Banu Abdul Muttalib et les autres fils de Hashim. Donc ce que je voulais dire, c'est les Banu Abdul Muttalib. Quand ils ont entendu que Kuffar Quraysh était déterminé à tuer le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont pris avec eux dans leur lieu d'habitation habituel et ils l'ont protégé contre tous ceux qui voulaient le tuer. C'est ce qu'on appelle al-shi'b, shi'b Bani Abdul Muttalib. Al-shi'b, c'est la route qui se trouve entre deux montagnes. Et ce qui est voulu par shi'b ici, c'est l'endroit où ils vivaient. Donc ils l'ont pris avec eux dans cet endroit dans lequel ils vivaient, ils l'ont protégé, afin que personne ne peut le tuer. Et se sont joints à eux tous les Banu Hashim. Et quand Quraysh a vu comment ils l'ont protégé et qu'ils ne pouvaient plus l'atteindre, ils ont décidé de boycotter tous les Banu Hashim et tous les Banu Abdul Muttalib. Et de couper tout lien avec eux, de ne plus avoir de transactions avec eux, ni de commerce, ni de mariage, ni leur adresser la parole, ni s'asseoir avec eux, jusqu'à ce qu'ils leur donnent le messager, alayhi salatu wassalam, pour qu'ils le tuent. Et pour marquer ce boycottage, et entre parenthèses l'officialiser, ils ont mis tout ça par écrit. Dans une sahifa, ils ont mis toutes ces conditions et tout ce boycottage, ils l'ont mis dans cette sahifa. Et il est rapporté que celui qui a écrit cette sahifa, injuste, c'est un homme qui s'appelle Mansour ibn Ikrima. Et il a été rapporté, ça c'est ce qu'a dit l'Hafidh ibn Hajar et l'imam al-Zahabi rahimahullah. Il a été rapporté que c'est un autre homme qui s'appelle An-Nadr ibn al-Harith. De toute manière, An-Nabi alayhi salam a invoqué Allah contre celui qui a écrit cette sahifa, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une paralysie dans la main, comme a dit l'Hafidh ibn Hajar ibn Kathir rahimahullah. Et tous les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib se sont unis dans cette épreuve de boycottage, le croyant parmi eux et les mécréants parmi eux, excepté un seul homme, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Abu Lahab. Lui, il s'est pas mis avec eux. Et ils sont restés dans ce boycottage qui a duré à peu près 3 ans, jusqu'à ce que ça les a épuisés. Ça a épuisé ceux qui ont été boycottés. Parce que Kuffar Quraysh, non seulement ils les ont boycottés, ils ont arrêté toute forme d'échange avec eux. Mais en plus, et surtout Abu Jahl et Abu Lahab également, Abu Lahab surtout je dis, Abu Lahab, quand il y avait des commerçants qui arrivaient avec des marchandises, ils leur proposaient les prix les plus forts contre leurs marchandises, afin que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons et ceux qui sont encerclés dans ce boycottage ne puissent pas acheter, il leur proposait des prix très élevés par rapport au prix habituel. Et c'est de cette manière que les compagnons radiallahu anhum et le prophète alayhi salatu wassalam ont subi tellement, au point où l'un d'entre eux mangeait les feuilles des arbres. Il se nourrissait des feuilles des arbres. Et subhanallah, il a été rapporté que l'un d'entre eux, quand il allait faire ses besoins, ce qui sortait de lui, c'est comme ce qui sort d'une brebis. Car il se nourrissait sur des feuilles tombantes, des arbres ou des choses comme ça. Et parmi ceux de qui il s'est rapporté ces histoires, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, qui raconte qu'un jour, pendant qu'il faisait ses besoins, il urinait, il a entendu un son de l'endroit sur lequel tombe l'urine. Il a regardé, il a vu un petit morceau de peau de chameau. Et il l'a pris, il l'a lavé, il l'a fait bouillir dans de l'eau et il l'a mangé. Et ça c'est peu parce que faut savoir que ce cours est très concis. Et l'imam Ibn Kathir, il ne rentre pas dans les détails. Mais si on veut s'attarder sur ce qu'a subi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et notre noble prophète dans ce boycottage, on restera longtemps. Et malgré tout ce boycottage, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait arrêté sa da'wah? Bien évidemment, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam saisissait toutes les occasions. À chaque fois qu'il y a des rassemblements, des événements, il en profitait pour faire la da'wah et propager l'islam. Alayhi sallatu wa sallam. Et ce boycottage, comme j'ai dit, il a duré à peu près 3 ans, jusqu'à un jour où un homme qui s'appelle Hisham ibn Amr ibn al-Harith, cet homme est parti voir al-Mut'im ibn Adi. Il est parti voir al-Mut'im ibn Adi et d'autres hommes parmi Quraysh. Ces hommes sont Zuhayr ibn Abi Umayya, وزمعة ابن الأسود وأبو البختري ابن هشام ابن الحارث. Il a été voir ces hommes et il leur a dit qu'on ne doit pas accepter cette injustice et cette oppression à l'encontre des nôtres, parce que ces hommes que j'ai cités et à leur tête Hisham ibn Amr ibn al-Harith qui est à la tête de cette initiative, tous ils ont des liens avec les Banu Abdul Muttalib et les Banu Hashim. Des liens de parenté avec les Banu Abdul Muttalib et les Banu Hashim. Et ils ont décidé de s'opposer à cette sahifa et à cet accord. Effectivement, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ils ont réussi leur mission. Et cette sahifa a été sortie après que le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam leur a dit « Quand vous allez la sortir, vous allez trouver qu'elle a été mangée par un ver. » Donc, dans ce que dit Al-Hafid ibn Hajar, je commence par ce que dit Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que ce qui a été mangé, c'est toute l'injustice. Il ne restait que le nom d'Allah. Al-Hafidh ibn Hajar, il dit l'inverse. lui et d'autres savants. Ils disent que ce qui a été dévoré par ce ver de terre, c'est le nom d'Allah. Et ce qui est resté, c'est toute l'injustice. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y a eu une séparation entre la vérité et l'injustice dans cette sahifa. C'est ça qui compte pour nous, c'est qu'il y a eu une séparation entre les deux. Et effectivement, quand ils l'ont sorti, ils l'ont trouvé tel que le prophète ﷺ leur a dit. Et c'était un signe pour beaucoup. Et alhamdulillah, ainsi ce boycottage a été stoppé et que le prophète ﷺ et ses compagnons radiallahu anhum ont pu yani, se mélanger aux gens une deuxième fois et c'était l'arrêt de yani, cette sanction qu'il leur avait appliquée. Et la réconciliation était faite entre les Banu Hashim et les Banu Abdel Muttalib et les autres tribus de Quraysh. Et quand cet accord, cette réconciliation a eu lieu entre Kuffar Quraysh et les Banu Abdel Muttalib et les Banu Hashim, les compagnons qui étaient partis en Éthiopie chez Najashi, quand ils ont entendu cette réconciliation, ils ont cru que yani, il va plus y avoir de torture à leur égard. Et ils sont tous revenus à Mecca. Excepté l'époux de Saouda bint Zam'a, qui allait devenir épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et on va voir parmi les sagesses pour lesquelles le Nabi alayhi salatu wassalam a épousé Saouda, radiallahu anha, c'est la première femme qu'il a épousée après le décès de Khadija. Il l'a épousée après la mort de son mari, As-Sakran ibn Amr. Il est décédé en Éthiopie, radiallahu anha. Et elle est revenue seule et le Nabi alayhi salatu wassalam l'a épousée. Et parmi ceux qui ne sont pas revenus également de l'Éthiopie, yani, tous ceux qui sont revenus de l'Éthiopie, ils sont restés à Mecca, malgré que à leur arrivée, ils ont trouvé que les tortures sont augmentées, que les tortures ont augmenté à l'égard des musulmans. Et non pas comme ils avaient pensé qu'après la réconciliation, ça allait diminuer. Mais malgré ça, ils ont tous patienté à Mecca cette fois, jusqu'à l'émigration vers le Médina. Ils ont tous patienté à Mecca, jusqu'à l'émigration vers le Médina. Et tous, ils ont pu faire l'émigration vers le Médina, excepté Salama ibn Hisham et Ayyash ibn Abi Rabi'a. Et on va voir l'histoire de ces deux hommes, de ces deux compagnons, une histoire plus qu'étonnante, une histoire qui te montre comment étaient les compagnons radiallahu anhum. Nous allons la voir plus tard quand on va parler de l'hijra vers le Médina. Et qu'Allah me fasse penser à cette histoire à ce moment-là. Parce que c'est une histoire extrêmement importante dont on a tous besoin. Je vous cite juste un détail de cette histoire. C'est que Omar radiallahu anhum a proposé la moitié de tous ses biens pour que Ayyash ibn Abi Rabi'a ne va pas à Mecca chercher ses biens, de crainte que si jamais il retourne à Mecca, qu'il soit attrapé et éprouvé dans sa religion. Donc pour préserver sa religion, il lui a proposé la moitié de tous ses biens. Et je m'arrête sur ça. Par rapport à cette histoire que je citerai dans sa globalité, bi'idnillah, quand on parlera de l'émigration vers le Médina. Donc, excepté Salama ibn Hisham et Ayyash ibn Abi Rabi'a, ils n'ont pas pu faire l'hijra vers le Médina. Et également Abdullah ibn Makhram ibn Abd al-Uzza, lui aussi n'a pas pu faire le hijra. Il a été emprisonné par les siens jusqu'au jour où il y a eu la bataille de Badr, et il a pu prendre la fuite. Il a rejoint le prophète al-Salam al-Madina. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la sortie du prophète al-Salam vers la ville de Taif. La sortie du prophète al-Salam vers la ville de Taif. Donc, on a vu que les compagnons et que le prophète al-Salam, malgré la fin du boycottage, il subissait énormément, et même il subissait beaucoup plus que au début de l'islam, de la part des kuffars de Quraysh. Et après que ce pacte injuste qui a été fait à l'encontre des Banu Abdul Muttalib et des Banu Hashim a été interrompu et a été arrêté, suite à la réconciliation entre les tribus de Quraysh, peu de temps après cela, est décédé l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Talib, son protecteur et celui qui repoussait de lui le mal des kuffars de Quraysh. Il est décédé en l'an 10 de la prophétie. L'an 10 de la prophétie. C'est-à-dire 3 ans avant l'émigration vers le Madina. 3 ans avant l'émigration vers le Madina. Et seulement quelques jours après sa mort, est décédé Khadija radiallahu anha, la mère des croyants. 3 jours après la mort de Abu Talib, elle est décédée également. C'est pour ça qu'il y a des savants qui ont appelé cette année dans laquelle il y a eu le décès de Khadija, qui assurait pour le prophète alayhi salatu wassalam un apaisement et une sécurité chez lui, et Abu Talib, qui était, yani, qui lui assurait sa sécurité à l'extérieur. Les deux sont décédés seulement 3 jours, l'un après l'autre. Cette année, je disais, elle a été appelée par des hommes de science l'année de la tristesse, Aam al-Huzn. Mais bien évidemment, ceci n'est pas rapporté du prophète alayhi salam, mais c'est des savants qui ont appelé cette année comme ça, parce que c'est une année qui était très très difficile. Et on va voir l'événement qu'il va y avoir dans cette année, celui qu'on verra aujourd'hui, bi'idnillah. Donc, après la mort de ces deux personnes qui étaient extrêmement importantes pour le prophète alayhi salatu wassalam, beaucoup parmi les sots de Quraysh osaient faire des choses au prophète alayhi salatu wassalam, et ils l'insultaient et ils le frappaient et ils lui faisaient tellement de mal. Après la mort de celui qui le protégeait parmi les hommes, qui était Abu Talib, au point que l'épreuve s'est intensifiée tellement sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il a décidé d'aller vers la ville de Taif et d'essayer de trouver des renforts là-bas et un soutien pour sa da'wah. Et il leur a demandé de le laisser parmi eux et de l'accueillir chez eux afin qu'il propage l'islam. Et parmi les choses qu'a suivi le prophète alayhi salatu wassalam et qui résume le mal qu'il subissait après la mort de son oncle, c'est qu'un jour il était dans sa prière devant le Kaaba, et pendant qu'il était prosterné, des kuffars de Quraysh ont ramené des intestins de chameau et ce qu'il y a dans le ventre du chameau, et ils l'ont posé sur son dos, sur son noble dos alayhi salatu wassalam. Et Fatima radiallahu anha, quand elle a vu ça, elle est venue, elle a commencé à retirer, à nettoyer, et le Nabi alayhi salatu wassalam a continué sa salat a continué sa salat et Fatima radiallahu anha, elle nettoyait et elle pleurait du mal que subissait son père, alayhi salatu wassalam. Donc, suite à tout ça, Nabi alayhi salatu wassalam est parti vers la ville de Taif. Il est parti vers les gens de Taif en leur demandant renfort et soutien pour sa da'wah. Mais ils lui ont refusé cela. Et il est sorti vers la ville de Taif après la mort de Khadija radiallahu anha de 3 mois et 8 jours. 3 mois et 8 jours, il est parti vers Taif en compagnie de Zayd ibn Haritha radiallahu anha. Il a proposé l'islam, il leur a proposé tout d'abord l'islam. Il l'a proposé aux fils, aux 3 fils de Amr ibn Umayr. Le premier qui s'appelle Abdou Yalayl, et le deuxième il s'appelle Mas'oud, et le troisième s'appelle Habib. Ils ont refusé l'islam, et ils ont refusé de le protéger également, et de lui accorder un soutien, et non seulement ça. Ils ont demandé aux enfants, à leurs enfants, et aux sots et stupides parmi les gens de cette ville, d'humilier le prophète alayhi wasallam et de se moquer de lui, et même de le jeter avec des pierres. Ils l'ont jeté avec des pierres au point où ils ont fait saigner ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi wasallam est parti. Il s'est abrité à côté d'un jardin qui appartenait à Utba et Shayba ibn Rabi'a. Il est resté à côté de ce jardin, et quand ces deux hommes l'ont vu, ils ont eu pitié pour lui. Un homme comme lui, connu avec la noblesse de son origine, As-Sadiq al-Amin, le véridique, le loyal, le digne de confiance. Il appelle les gens à dire « La ilaha illallah ». Il subit tout ça. Ils ont eu un peu de pitié pour lui. Ils ont demandé à un esclave qu'ils avaient, qui était de religion chrétienne, qui s'appelle Abbas. Ils lui ont demandé d'apporter au prophète alayhi salatu wassalam un peu de raisin. Et effectivement, il est parti, il lui a donné un peu de raisin. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il l'a pris, il a dit « Bismillah, Abbas, cet homme chrétien, quand il a entendu ça, ça l'a étonné. Il lui a dit « C'est qui t'a appris ça ?» Parce que lui, il connaît les Arabes, ils disent pas « Bismillah ». Il lui a dit « Allah ». Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Tu viens d'où ?» Il lui a dit « Je viens de la ville de Nainawa ». En Irak, une ville qui existe encore aujourd'hui. Nainawa, en Irak. Il lui a dit, la ville de l'homme pieux, Yunus ibn Matta, le prophète Yunus, il lui a dit, tu le connais? Il lui a dit, na'am. Il est mon frère. Lui et moi, on est prophètes. Et regardez comment le Nabi alayhi sallam, il a dit. Il n'a pas dit, moi et lui, on est prophètes. Il a dit, lui, et moi, on est prophète. La modestie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous, quand tu nous entends parler, aujourd'hui, qu'Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne, comme si tout le bien qu'il y a sur terre, c'est nous la cause. On parle comme si c'est, il n'y a pas un bien sans qu'on soit la cause. Wallah musta'an. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lui est un prophète et moi je suis prophète avec lui. Et ça, tu le remarques quand quelqu'un te pose la question, est-ce que tu connais cette personne? Tu dis oui. Elle a étudié en moi, elle a étudié avec moi à Médine, elle a étudié avec moi à Mecca. Et tu dis pas, j'ai étudié avec lui. Et on voit la différence. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ad-da'wa à cet homme qui s'appelle Abbas. Est-ce qu'il est entré dans l'islam ou pas? Il n'y a rien qui est rapporté authentiquement. Mais en tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après cette grande épreuve, après cette mauvaise période dans laquelle il a subi tout ce qu'il a subi de ces gens de la ville de Taif, dans laquelle il est resté 10 jours. Et Mughlataï dit qu'il est resté 1 mois dans la ville de Taif. En tout cas, après cette période passée dans la ville de Taif, et sur son chemin de retour, à côté d'un endroit qui s'appelle Qarn al-Thalib, qui existe encore aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam avec l'ange des montagnes, l'ange chargé des montagnes, et il lui a dit: il est sous tes ordres, si tu veux qu'il les écrase entre les deux montagnes de Mecca, donne-lui l'ordre, il le fera immédiatement. Et Nabi alayhi salam a dit non. Regardez, subhanallah, wallahi, chaque point mérite un dars. Chaque point de ces points mérite un dars. Sira, c'est extrêmement riche en faïda. Tout ce qu'il a subi, et le peu de ce qu'il a subi, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu la grande partie de ce qu'il a subi, de ce que les hommes de science ont cité. Avec tout ce que le Nabi alayhi salam a subi de Quraysh et des Mekwa, Allah lui dit: l'ange des montagnes à ta disposition, si tu veux, il les écrase, il les extermine, et Allah fera sortir d'autres gens qui l'adorent et qui t'obéissent, pas comme cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. بل أرجو, j'espère qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui adorent Allah seul, sans rien lui associer. Ça, c'est notre prophète. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a l'occasion de se venger. Il ne se venge pas pour sa personne. Il ne se venge pas pour sa personne. Mais il espère qu'Allah fera sortir d'eux des hommes et des femmes qui adorent Allah seul sans rien lui associer. Et c'est ce qui s'est passé. Allah fait sortir d'eux des hommes qui l'adorent et qui ont propagé l'islam partout sur terre. Et également, sur ce chemin de retour vers Mecca, de la ville de Taif, un endroit qui s'appelle Wadi Nakhla. Allah Azza wa Jal a envoyé des djinns. Le Nabi Sallallahu Alaihi pendant qu'il lisait le Coran, dans une salat ou autre, Allah Azza wa Jal a envoyé des djinns qui ont entendu la lecture du Coran. Qui ont entendu la lecture du Coran et qui ont écouté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui alayhi salatu wa sallam. Et ça, c'était un soulagement pour le prophète alayhi salatu wa sallam. À cet endroit également, il est resté quelques jours. Il est resté quelques jours à leur faire da'wa. Et après, ils sont repartis dans les leurs et ils ont propagé l'islam également. Par rapport, et j'ai oublié de dire que le Hafiz ibn Hajar rahimahullah a cité ces djinns qui ont cru au prophète alayhi salatu wa salam et qui sont repartis dans les leurs comme prêcheurs en répandant la religion de l'islam. Il les a cités dans la liste des compagnons. Il les a cités comme des compagnons, radiyallahu anhum. Et ça, c'était également un autre soulagement pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Si les hommes ne veulent pas croire en toi, alors voilà des djinns qui vont croire en toi et qui vont te suivre. Et également parmi les choses qu'il y a eu, que l'Hafidh ibn Hajar rahimahullah, l'Hafidh ibn Kathir rahimahullah a cité, c'est que un homme qui s'appelle At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi radiyallahu anhu. Un homme qui s'appelle At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi radiyallahu anhu a cru au prophète alayhi salatu wassalam. Et cet homme, il a une histoire. Il est venu à Mecca et Kuffar Quraysh ont commencé par le mettre en garde contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et que cet homme, c'est un sorcier. Faut pas l'écouter, sinon il va t'ensorceler. Effectivement, il a mis du coton dans ses oreilles et il a commencé à faire tawaf. Et il voyait le Nabi alayhi salatu wassalam assis à côté de la Kaaba. Et pendant qu'il faisait tawaf, il s'est dit, moi je suis un homme intelligent. Je suis parmi les plus intelligents des miens. Et qu'est-ce que cet homme il va me dire? Yani, pourquoi ne pas l'écouter? Et il est parti voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Dans l'histoire, il est rapporté que c'est lui qui a commencé à parler. Et il a cité quelques sagesses parmi les sagesses de Luqman qu'il connaissait, dans lesquelles il n'y a pas de tawhid, bien évidemment, qui était oublié chez eux. Mais il y avait les sagesses de Luqman sur le bon comportement et ainsi de suite. Et Nabi alayhi salatu wassalam l'a invité à écouter le Coran, il lui a récité le Coran et il est entré dans l'islam aussitôt. Parce que c'était des Arabes purs. Ils comprennent quand ils lisent le Coran, ils savent que ça c'est pas des paroles d'un homme. Ça peut pas être les paroles d'un homme. Ça ne peut être que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est entré dans l'islam et Nabi alayhi salam lui a dit de retourner chez les siens et de les appeler à l'islam. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé au prophète alayhi salam de lui donner un signe, de demander à Allah de lui donner un signe qu'il est véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une lumière dans le visage. Il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de changer l'endroit de cette lumière. Et Allah azza wa jalla l'a transformé dans son bâton. Il l'a transformé dans son bâton et c'était un signe pour lui de sa véracité. Et Tufayl rahimahullah radiyallahu anhu, il a appelé les siens à l'islam également. Et certains d'entre eux sont entrés dans l'islam, et d'autres, non. Jusqu'au jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, a conquis la ville de Khaybar, et ils sont tous venus muslimines ce jour-là. Ils sont tous venus muslimines, les Bani Daous, car lui c'est un Daousi. Une fois arrivé à Mecca, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est entré sous la protection de l'Mut'im ibn Adi. Donc, notez bien, mes frères, et avec ça je vais terminer, que le Mut'im ibn Adi, c'est lui qu'on a vu parmi les hommes qui ont participé dans l'annulation du boycottage contre la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Le Mut'im ibn Adi, c'est lui qui va offrir sa protection au prophète, alayhi salatu wassalam, pour entrer à Mecca. Car chez les Arabes, quand tu protèges un homme, personne ne peut lui faire du mal. Donc, il lui a offert sa protection, il est entré sous sa protection, alayhi salatu wassalam, à Mecca. Je termine avec ce qu'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a été interrogé par notre mère Aïcha. Le hadith est rapporté dans les deux authentiques. Il a été interrogé par notre mère Aïcha radiallahu anha. Elle lui a dit, est-ce que tu as connu un jour plus pénible et plus dur et plus difficile que le jour de la bataille de Uhud? Il lui a dit oui. J'ai vu de ton peuple ce que j'ai vu. Et parmi ce que j'ai vu d'eux, il a cité l'histoire de Ta'if. Donc ça, c'est parmi les pires des choses qu'a vécu le Nabi alayhi salam dans sa da'wah. C'est parmi les pires des choses qu'a vécu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah. Voilà, mes frères, pour aujourd'hui. La prochaine fois, bi'idhnillah, nous allons parler de l'ascension et le voyage nocturne. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.